Recorded in French. Alchimie du verbe. First section. By Arthur Rimbaud. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. To know more or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Jean Lambert. Alchimie du verbe. À moi. L'histoire d'une de mes folies. Depuis longtemps, je me vantais de posséder tous les paysages possibles et trouvais dérisoires les célébrités de la peinture et de la poésie moderne. J'aimais les peintures idiotes, dessus de portes, décors, toiles de saltimbanques, enseignes, enluminures populaires. La littérature démodée, latin d'église, livres érotiques sans orthographe, romans de nos aïeuls, contes de fées, petits livres de l'enfance, opéras vieux, refins niais, rythmes naïfs. Je rêvais de croisades, voyages de découvertes dont on n'a pas de relation, républiques sans histoire, guerres de religions étouffées, révolutions de mœurs, déplacements de races et de continents. Je croyais à tous les enchantements. J'inventai la couleur des voyelles, à noir, e blanc, i rouge, au bleu, u vert. Je réglai la forme et le mouvement de chaque consonne, et avec des rythmes instinctifs, je me flattai d'inventer un verbe poétique accessible, un jour ou l'autre, à tous les sens. Je rêvais la traduction. Ce fut d'abord une étude. J'écrivais des silences. Des nuits, je notais l'inexprimable. Je fixais des vertiges. End of Alchimie du verbe, first section, from Arthur Rimbaud. This recording is in the public domain.